Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, Yougoslavie, la guerre au cœur de l'Europe. Une série de Christelle Le Polothèque réalisée par Somanina. Alors pourquoi on vous raconte ça ? Parce qu'il y a 30 ans, commençait le siège de Sarajevo qui a marqué les esprits et que c'est aussi le moment où les guerres de Yougoslavie se sont emballées pour une dizaine d'années. Mais peut-être qu'il faut revenir sur ce qu'ont été ces 4 années dans une ville encerclée. Et dans vos oreilles aujourd'hui, des bombardements, des tranchées, 4 années perdues et un enfant nostalgique de cette enfance terrible et qui en a gardé l'apprentissage du français. Mais pour commencer, deuxième épisode, on arpente ce qui était une zone de guerre. Dobar dan. Dobar dan. Onaj zvučni. Nekad je bio tu stadion, sad leže ljudi tu. Gdje se nekad lopte igralo. Da. Vi ste odrasli ovdje? Jesam. Aha, il dit. Sarajevo rođen. Ah, il dit avant ici on jouait au ballon et maintenant il y a des gens qui sont enterrés là et je lui ai demandé si il avait grandi dans le quartier et il m'a dit oui. Il a passé toute la guerre ici. Il y a beaucoup de gens de mon voisinage et des camarades de classe et d'enfance qui sont morts en fait pendant la guerre. Gospodin ima razne religije. Katolika, pravoslavaca, muslimana, ljudi koji je agresor pobio. Razumijete, koji su znači stradali ovdje, ja imam druga. Il faut que vous compreniez qu'ici il y a plusieurs religions, il y a des catholiques, il y a des orthodoxes, il y a des musulmans, on s'est battu tous ensemble pour se défendre. Dis-moi, j'ai mon ami qui était orthodoxe, qui s'appelait Goran et qui est mort en défendant sa ville. Et ça c'est important de le souligner. Imali išta što bi htjeli dodat, ko je vama važno? Ovaj spomenik ovdje svim tim ljudima, to su njihova imena i prezimena. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose d'important qu'il voudrait nous dire au sujet du cimetière et il voulait absolument parler du monument, cette espèce de grand cône en métal qui est derrière nous, enfin qui est devant nous, qui symbolise en fait une balle de fusil ou un obus sur lequel, dans la partie inférieure, sont inscrits tous les noms des civils qui sont morts pendant la guerre et qui sont enterrés aussi ici. Il dit, on voit, il y a, en fonction des dates de naissance et des dates de mort, ben, on voit bien qu'il y a des gens aussi de toute génération, des enfants, des vieux. Yougoslavie, la guerre au cœur de l'Europe. Le siège de Sarajevo. Un documentaire de Christelle Le Polothèque et Somanina. En Yougoslavie, la situation s'envenime très rapidement. Le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance. Belgrade réagit immédiatement en envoyant l'armée, qui est pour quelque temps encore yougoslave. Si la guerre de Slovénie est de courte durée, les accords de Brioni y mettront un terme le 7 juillet suivant, le conflit dégénère violemment entre les Serbes et les Croates. Contrairement à la Slovénie, où la population est très homogène, une forte communauté serbe vit en Croatie, qui refuse de reconnaître l'indépendance du pays et entend bien rester sur ses terres en créant la République serbe de Krajina. De violents conflits y opposent la police croate aux milices serbes. Puis, avec l'arrivée de l'armée populaire yougoslave, la guerre s'étend à tout le pays, depuis la Slavonie, on se souvient tout particulièrement du massacre de Vukovar, jusqu'à Dubrovnik, la perle de l'Adriatique, lourdement bombardée en décembre 91. En janvier 92, un cessez-le-feu est conclu et la Croatie est reconnue par la communauté internationale. Face à l'inévitable éclatement de la Yougoslavie, la Bosnie décide alors à son tour de se retirer de la fédération, lors du référendum du 29 février et 1er mars 1992. Les Bosniens pensent être à l'abri de la guerre, loin des conflits qui ont agité les Serbes et les Croates tout au long des dernières décennies. Mais il n'en sera rien. Si vous voulez, la guerre, elle commence comme, un peu comme une guerre de branquignoles. Hein. C'est-à-dire que nous, quand on y va en juillet 91, donc en Croatie, c'est des histoires de fusils de chasse. On n'y croit pas, et d'ailleurs, moi, on m'envoie parce que personne ne veut y aller, parce que personne ne prend ça vraiment au sérieux. Jean Asfeld, journaliste. Donc, on y va, et on voit que ça dégénère assez vite, quand même, parce que tout de suite, on a vu l'armée yougoslave venir, intervenir. Et dès fin août, il y a quand même le siège de Vukovar, il y a des massacres à droite et à gauche, Osijek est très attaqué, etc. Donc on sent une vraie guerre en Croatie. Les gens résistent très fortement à Vukovar, l'armée yougoslave ne cède pas et va démolir en 83 jours la ville. Voilà, jusqu'à la reddition totale, qui se termine très dramatiquement d'ailleurs. Donc on est en plein déjà dans l'inacceptable. Hein. Mais on pense que justement cet inacceptable est un dérapage, il ne se reproduira pas. Il y a une très forte tension du côté de la Bosnie. La Bosnie a quand même la réputation d'être un pays beaucoup plus paisible. On pensait la Bosnie un petit peu à l'écart de cette rivalité serbo-croate qui date de la Deuxième Guerre mondiale, enfin sur laquelle Tito a beaucoup joué, etc. Tito avait voulu de faire de la Bosnie un endroit un peu neutre, avait un peu cajolé Sarajevo pour en faire une ville d'art, une ville d'intellectuels, d'intelligentsia, de sièges sociaux d'entreprise, etc. Parce qu'elle se tenait un petit peu à l'écart de cette rivalité serbo-croate. Et donc, on est dubitatif sur l'idée qu'une guerre puisse naître là-bas. Et puis, badaboum, il y a première manif un peu nationaliste début avril, suivi de coups de fusil, suivi des premiers bombardements, et la ville de Sarajevo est assiégée vers le 7, 8, 10 avril. Les gens sont un petit peu en désaccord sur le début du siège et de la guerre, mais enfin, disons que c'est le 7 avril. Et là, encore une fois, on pense que c'est un petit dérapage, et qu'on va s'en... Même les Sarajeviens le pensent, qu'au mois de mai, c'est fini. Sarajevo offre ce soir le paysage d'une ville morte. Les rues sont pratiquement désertes. Les rares passants se dépêchent pour aller se mettre à l'abri. Des tireurs isolés ont en effet pris position dans les différents quartiers de la ville, et les tirs sont fréquents. Partout, des vitrines brisées, des magasins pillés. Les patrouilles de police, serbes d'un côté, croates de l'autre, circulent dans les rues de la ville, mais ne parviennent pas à ramener le calme. Au milieu, les automitrailleuses de l'armée fédérale tentent, elles aussi, de contenir les affrontements, en vain. L'armée qui a par ailleurs pris position autour de l'aéroport. Dans la vieille ville, le quartier musulman, les rues sont bloquées par des barricades. Le couvre-feu n'intervient qu'à 22 heures, mais les habitants de Sarajevo préfèrent avoir regagné leur domicile dès 18 heures, laissant ainsi les rues aux tireurs. Selon cet habitant, c'est aujourd'hui le chaos, l'anarchie à Sarajevo, où plus personne ne contrôle rien. Peut-être un des premiers souvenirs de la guerre, c'était qu'il n'y avait pas d'école. Usmir Smailodzic. À l'époque, j'avais 13 ans. J'étais chez mes grands-parents et j'ai entendu le directeur de l'école dire à ma grand-mère « il n'y a pas de cours, c'est pas la peine qu'ils viennent aujourd'hui ». Donc pour moi, c'était plutôt quelque chose de positif. J'étais pas conscient que la guerre arrivait, même si 6 mois avant, on pouvait voir les horreurs de Vukovar. C'est pas du tout loin, pourtant ça me paraissait très loin et peut-être impossible. Je pense qu'on n'était pas conscient de ce qui se passait vraiment en Croatie. Et peut-être une preuve, c'est que les gens n'ont pas voulu quitter Sarajevo alors qu'il avait 5 ou 6 mois pour partir en voyant ce qui se passait à Vukovar. Les gens ont plutôt fui quand la guerre a vraiment commencé à Sarajevo. Donc je pense que là, j'étais pas seul, je pense que la plupart des gens ne croyaient pas qu'il se passerait quelque chose de similaire à Sarajevo. Pour nous, pour les gens de Sarajevo, la guerre a commencé le 2 mai, Bobalizdek, quand la ville était coupée et divisée en deux. Donc ce 2 mai, c'était une journée très très belle, ensoleillée. J'ai parlé avec un ami, il m'a dit « mais viens, on va se prendre un petit café et puis on sort ». On est sortis et la guerre a commencé à ce moment où on était assis à table avec nos petits cafés et puis la guerre a commencé à ce moment-là. Concrètement, ça veut dire quoi? Toute la ville, ils ont commencé le bombardement, les attaques avec les tanks de l'armée yougoslave qui sont venus vers le centre-ville. Ils étaient attaqués, ils étaient brûlés. Une vraie guerre avec les explosions, les bombardements. Et à ce moment-là, quand c'était assez dangereux. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Même si on n'était pas si loin, ce n'était pas possible. Alors, d'un point de vue militaire, il y a quatre moments clés. Rémi Ourdan, journaliste. Il y a le 2 mai 1992, qui est le premier jour du siège. C'est le jour où l'armée serbe aurait dû rester dans la ville. Elle y était sous la forme de l'armée yougoslave. Et elle a tenté, tandis que certaines unités quittaient les casernes de l'armée yougoslave, des unités serbes ont tenté de prendre la ville, de s'approcher de la présidence. Donc le 2 mai 92, c'est un peu le jour J de Sarajevo. Et c'est ce jour-là, quelques centaines d'hommes, policiers et volontaires, miliciens du centre-ville, ont tenu tête à ces unités qui sont allées sur les collines, démarrer un siège qui était planifié, hein. Parce qu'à l'évidence, les positions étaient là, tout avait été préparé, les pièces lourdes, les tanks, l'artillerie, etc. Donc, en tout cas, c'est le jour où, du coup, l'armée serbe a retiré ses dernières unités sur les collines et a commencé le siège. Alors, la population de Sarajevo, il découvre surtout que cette armée, la JNA, l'armée yougoslave qui a été celle de tout un pays, devenait celle des Serbes. Voilà. Mais il n'envisage pas une seconde que ça puisse durer. C'est-à-dire qu'il pense que c'est un mauvais moment à passer et qu'il va y avoir intervention extérieure assez rapide et que tout va être négocié, tout va s'arranger. Donc tout ça, il semble bien que ça va être compliqué, que la ville ne sera plus comme avant et tout ça. Mais enfin, tout le monde pense que mi-juin, c'est fini. Voilà. Et ils ne savent pas encore le degré de violence que sera cette guerre. C'est-à-dire qu'ils imaginent des obus qui tombent, ils imaginent des combats à la Kalachnikov. Ils sont en train de mettre sur pied une armée naissante. Et donc, ils se disent, on va défendre la ville. Et on est vraiment dans le combat, stopper l'offensive, les décourager, les faire tout pour qu'ils ne rentrent pas dans Sarajevo. Mais disons que les deux ou trois premiers mois, ils ne savent pas très bien penser autre chose que ça. C'est un mauvais moment à passer, c'est la guerre, il va y avoir des morts, on va défendre la ville et ça va s'arranger. Voilà. D'ailleurs, ils ne font pas de provisions. Vous savez, dans les guerres, quand les gens pensent à une guerre à long terme, ils stockent l'huile, la farine, le sucre, le sel, voilà. Et là, ils ne le font pas. Encore. Ça a traversé l'été. À l'automne, ils se sont dit, ça va s'arrêter pour la rentrée. Je ne sais pas pourquoi. On va renvoyer les enfants à l'école. Puis ça a traversé l'automne. Et puis l'hiver est arrivé. Avec le froid, avec la faim. Et je pense là, du coup, vraiment avec le désespoir. C'est difficile de mettre une date sur le désespoir. Mais je pense que ça date de l'hiver, quoi. Et l'hiver a été tellement, les gens étaient tellement désespérés qu'ils se sont dit, alors là, ils ont commencé à réfléchir au reste du monde, ils se sont dit, le reste du monde ne laissera pas faire, ça va s'arrêter après l'hiver. Personne ne laissera faire ce truc-là un deuxième hiver. Et comme ça, pendant toute la guerre, ils ont cru que le monde allait arrêter ce siège. Et il a peut-être fallu attendre deux hivers, peut-être la troisième année, pour que ça bascule et qu'ils commencent à se dire, bah non, voilà, le monde n'a pas arrêté ce truc, et c'est parti pour toujours. Rémi Ourdan, vous êtes journaliste, vous avez couvert la guerre de Bosnie pour Le Monde. Vous étiez à Sarajevo, au tout début de la guerre. Je suis arrivé au bout de deux ou trois mois de siège, à l'été 1992. Je suis arrivé le jour où il y avait des milliers d'obus qui tombaient sur la ville, mais notamment où l'hôtel Europa a brûlé. Parce que je me souviens, c'est le premier soir où j'étais là. Il y avait des centaines de réfugiés dans l'hôtel et qui ont été bombardés. Le bâtiment a commencé à prendre feu et puis ils ont rebombardé pendant les opérations de secours avec des bombes incendiaires. Donc ça a été vraiment une soirée très d'abord relativement meurtrière et puis par ailleurs très forte, un peu sur ce, pour quelqu'un qui arrivait, sur ce qu'est la nature de cette guerre, c'est-à-dire que bien sûr, je découvrirai dans les jours suivants qu'il y a les combats de première ligne de front, et notamment, peu de temps après, il y a eu la première grande bataille de Stup Otess, qui était l'une des trois tentatives pour conquérir la ville, l'une des trois grandes offensives militaires serbes pour conquérir la ville. Mais ce soir-là, on voyait bien la nature de la guerre qui était, par ailleurs, pour l'assiégeant, de s'en prendre aux civils, c'est-à-dire que rebombarder même pendant les opérations de secours sur les blessés, sur les secouristes, etc., c'est pas tous les jours. Et donc c'était le bombardement de l'hôtel Europa était une soirée assez marquante. Oui, grosso modo, vous faites... Alors, les Serbes sont là. Il y a eu des changements de ligne de front au début de la guerre. Au début de la guerre, ils ont avancé jusqu'ici. Vous voyez ? C'est-à-dire deux tiers de la ville. Voilà. Ouais. Ils ont avancé comme ça. Et les Bosniens les ont fait reculer. Ils ont fait reculer jusqu'à ici, où c'est le No Man's Land, Stup, c'est le No Man's Land, c'est ce qu'on appelle la ligne de front, c'est-à-dire que là c'est serbe et puis là c'est plus serbe. Et donc quand vous passez, vous devez aller très vite en voiture. Et donc, c'était grosso modo, on dit là, comme ça. Alors, les Serbes, les Serbes n'ont pas à y passer, ils s'arrêtent là. Et puis, ça part quelque part par là. En Bosnie, les combats se poursuivent sur les principaux fronts, notamment à Sarajevo. Hier, un obus est tombé en plein milieu d'un marché très fréquenté de la banlieue de la capitale. Bilan 15 morts et des dizaines de blessés. À Sarajevo, une correspondance de Paul Marchand. La cible est prévue d'avance puisqu'elle est régulière. Elle peut être un marché, un arrêt d'autobus, un endroit où des dizaines de personnes attendent une voiture en faisant du stop ou encore un magasin d'approvisionnement ou une boulangerie. Régulièrement, un obus tombe. Régulièrement, c'est l'horreur et l'hécatombe. Des morts et des blessés, souvent vides, généralement des femmes et des enfants. Les hommes ici sont mobilisés et ne participent pas souvent aux tâches quotidiennes. Les exemples de ce genre sont légion à Sarajevo. Il y a trois jours, c'était devant une boulangerie à proximité d'un arrêt d'autobus. Hier, dans un marché de la banlieue de la ville, un marché qui étalait son maigre approvisionnement, quelques kilos de pommes, quelques kilos de légumes, une denrée extrêmement rare ici, d'où le nombre important de personnes tentant de se les arracher. Sarajevo joue à la roulette russe, la version locale de la fatalité. Chacun est conscient que lorsqu'il se rend dans ce genre d'endroit fixe et peuplé, il peut ne pas en revenir ou alors en morceaux. Paradoxalement, les habitudes n'ont pas changé, seule l'appréhension est palpable. Un exemple, devant la présidence bosniaque au cœur de la ville assiégée, cible privilégiée par excellence par les artilleurs, chaque jour des dizaines de personnes attendent les voitures ou les rares autobus qui se risquent à traverser la ville. Chaque jour des personnes tombent et le lendemain, une fois le sang lavé, les groupes se reforment, roulent russes ou inconscients, la limite est très difficile à cerner. Sarajevo, Paul Marchand pour France Inter. La ville a une position longiligne, donc il y a une rivière qui coupe la ville en deux. Ben, c'était comme ça pendant la guerre. Ce côté-là où on se trouve, où est la plupart de la ville, c'était le Sarajevo, c'était sous la protection de l'armée bosniaque ou de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Et de l'autre côté de la rivière étaient les Serbes, parce que de ce côté-là, du quartier Grbavica, ils pouvaient encercler la ville. Donc de ce côté-là, ils dominaient le reste de la ville. En fait, ils contrôlaient toutes les collines qui entouraient la ville. Donc on était pratiquement... Pourquoi on était assiégé? Parce que les Serbes contrôlaient toutes les collines autour de Sarajevo, sauf une partie qui était contrôlée par l'armée bosniaque, mais on ne pouvait pas sortir de ce côté-là parce qu'après les positions de l'armée, il y avait les positions serbes. Donc pratiquement, on était... encerclé par l'armée serbe. Ici, on est sur la place de Sébil, donc à la sortie de Bachar Chia, la vieille ville de Sarajevo. Aline Cateux. Donc en face de nous, on a la colline de Kovači, qui est un très vieux quartier, qui est voisin du quartier de Ben Bacha, qui est le où on va se rendre dans quelques moments, qui est le plus vieux le quartier de Sarajevo, là où il y a les toutes premières traces pré-ottomanes en fait de la ville. Et puis vous voyez, dès qu'on sort en fait de la vieille ville, quand on regarde, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là derrière nous, où on a le mont Trebević, où était massé le plus gros de l'artillerie des forces armées serbes, on se rend compte que finalement, dès qu'on a un tout petit peu d'horizon dans Sarajevo, les collines sont partout. C'est-à-dire que les collines bouchent en fait ce qui pourrait être un horizon. Et alors c'est très charmant. Enfin, je trouve que c'est aussi la très grande beauté de la ville, c'est ces collines. Mais on se rend très bien compte à quel point les lignes de crête et en fait la ligne de défense de la ville étaient quand même très très précaires et très près du centre. Plus que jamais, Sarajevo est étranglé. Toutes les montagnes qui entourent la ville sont désormais tenues par les forces serbes. Des discussions entre les généraux serbes et bosniaques et le général Bricmont, qui commande les forces de l'ONU sur place, devraient reprendre demain midi. L'objectif est d'aboutir à l'ouverture d'un couloir humanitaire à travers la montagne afin de permettre le ravitaillement de la capitale bosniaque. En attendant, les casques bleus français tentent d'assurer au mieux la sécurité des habitants de Sarajevo en étalant le plus possible leur position sur la ville. Les Bosniens étaient moins armés, moins préparés. Ils ont une tradition guerrière qui est beaucoup moins forte. Mais ils vont créer dans toutes les villes des milices, des combattants, qui vont sortir les Kalachnikovs et puis qui vont aller piller des armes. Alors, il y a quand même des entrepôts d'armes sur lesquels ils mettent les mains tout de suite. Voilà, tac, tac, je me rappelle, il y a une grande avenue à Sarajevo, où sur la droite, il y avait ce qu'on appelait la Tita Baraka. Enfin, c'était ces anciennes casernes, et ils ont mis les mains sur les armes, ils en ont mis un peu partout. Il y a des gens qui avaient des armes eux aussi. Il y a des gens qui ont déserté, officiers et soldats, qui ont déserté avec leurs armes. Mais ils vont se créer comme ça une armée capable de freiner un siège, de défendre une ville assiégée, empêcher les gens de rentrer, mais pas capable de se battre et de repousser l'ennemi, parce que cet ennemi est plus fort, plus compétent, puis il y a beaucoup d'officiers, et bien, plus armé, puis il y a des tanks. Voilà. Što se treba vidjeti, ali eto, nema veze, kako vi hoćete, mislim. Hvala vam. Ništa, hvala vama. Da pazim, nema ništa. Nema nikog. Može. Non, c'est là. On approche en fait des tranchées. Elles sont sous les pins là-bas. Les tranchées. Ça aurait pu aussi être les tranchées serbes, parce qu'il y a vraiment des endroits où ils étaient aussi près que ça. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans ces tranchées à Zlatište. Et quand on voit à quel point les tranchées sont proches du bord et proches du vide, en fait. Et quand vous allez voir à quel point les maisons en fait, de Soukbounar, juste en dessous, sont très très près... des tranchées, ça m'évoque vraiment, quand on dit la dernière ligne de défense, enfin, c'est vraiment, ils pouvaient pas être plus au bord de la ville hein, que ça. Il y a eu trois grandes offensives pour tenter de prendre la ville. Une à l'été 92 et deux à l'hiver 92-93. Et ensuite, il y a eu tout un tas de batailles sur certains fronts, sans qu'on puisse les qualifier de tentatives de conquête. Vraiment, c'était des batailles de moindre ampleur. Donc, Le 2 mai, plus 3 offensives, on va dire 3 ou 4 tentatives de conquérir Sarajevo. Sarajevo aurait dû être prise, honnêtement, elle n'avait pas d'armée, puisqu'il y avait l'État de Bosnie-Herzégovine était tout récent, et n'avait pas eu le temps de créer une armée. Simplement, la ville a résisté. Alors, bien sûr, il y a la police, il y a la pègre, la police et la pègre étant les seuls hommes qui ont des armes dans un pays en temps de paix, qui se sont liés ensemble avec des tas de volontaires pour résister. Et puis petit à petit, via le tunnel, via des livraisons d'armes, l'armée a pu se constituer avec le temps, via aussi du trafic avec l'assiégeant d'ailleurs, hein, comme souvent dans la guerre, voilà, des histoires bizarres. Mais Sarajevo a résisté quand même contre toute attente, enfin d'un point de vue strictement militaire. D'abord, dans l'histoire des sièges, les villes assiégées sont souvent conquises. Et a fortiori une ville assiégée qui n'a pas d'armée. Quoi. Alors, les Serbes, les Serbes n'ont pas, ils s'arrêtent là. Et puis, ça part quelque part Voilà, ils ont ce quartier de Gorbavica. Tout ça, c'est bosnien, donc c'est. Voilà, ça s'arrête là. C'est bosnien ici. Et puis, ils ont des tanks partout là. Ils ont des tanks là. Et puis là, après, ils ont le pays, et là, ils ont le pays. Alors, attendez. Au nord, c'est des Serbes, là. Mais tout autour de Sarajevo aussi. Ouais, c'est des tanks. C'est des tanks. Ouais. La ville était fermée, alors... Il y avait ce qu'on appelait un passage souterrain par lequel les gens passaient quand même un petit peu à un moment donné. Ça permettait surtout à l'armée bosnienne de passer. Je pense que l'armée bosnienne manquait d'hommes dans d'autres zones. Donc les soldats de Sarajevo partaient. Je pense qu'ils faisaient venir des armes à Sarajevo. On était en manque. Je me souviens... Il y avait aussi des fils d'électricité qui passaient par le tunnel. Donc c'était l'approvisionnement en électricité. C'était beaucoup de trafic. Il y a plein de gens qui sont enrichis en important de la nourriture à Sarajevo et en revendant 15 fois plus cher. Et parfois, quand on arrivait à avoir une autorisation, parce qu'on connaissait quelqu'un à l'armée ou à la police, on pouvait sortir de Sarajevo pour faire les courses juste à l'extérieur. Où c'était beaucoup moins cher. Après, bon, il y a des gens qui... Mon oncle est parti en 94, je pense. Il est parti en Allemagne, il n'est jamais revenu. Il y a des gens qui ont... Par le tunnel, ouais. Mon oncle était soldat et il en avait marre à un moment. Et il est parti comme ça. Il a eu l'autorisation d'aller faire les courses à Hrasnica, qui est le quartier, le premier quartier à l'extérieur de la ville. Et il est parti. Pour certaines familles, c'était pas facile parce qu'il y en a beaucoup qui ont été tués. Il y avait des familles mixtes, par exemple, dont le mari était musulman ou la femme serbe. Et ces hommes ont été pris ou tués ou ils ont fait des travaux très durs pendant la guerre. Donc, tout dépendait d'où vous étiez. Parce que si vous voulez... Pratiquement chaque bâtiment était contrôlé par quelqu'un. Certainement, il y avait une armée. Il y avait l'armée serbe. De l'autre côté, ici, il y avait de l'armée bosniaque. Mais il y avait aussi des milices paramilitaires, des gens qui s'organisaient tout seuls et qui contrôlaient les bâtiments, un groupe de bâtiments, une pâtée de maison. Et puis, tout dépendait d'où vous étiez. Si vous étiez chanceux, vous étiez dans un quartier qui était correct, où tout était organisé, où il y avait une armée officielle, légitime. Mais il y avait des quartiers, même de ce côté-là, où on est assis aujourd'hui, qui étaient sous le contrôle des fous, des gens qui ont massacré, qui ont tué, qui faisaient n'importe quoi. Donc, vraiment, la chose la plus importante dans une guerre est d'avoir la chance. Si vous n'avez pas de chance... vous êtes perdu. Mon école est devenue le quartier général d'une brigade à Sarajevo. Et elle était très proche de la ligne de front. Vous étiez où ? C'était dans quel quartier ? À Sok Bunar. Mon quartier est à côté du cimetière juif, qui est un des points de repère à Sarajevo. Mais les coups ont été, je pense que la rentrée prochaine, je ne sais pas si c'était tout de suite en septembre ou octobre, mais j'ai eu les cours. Bon, c'était pas régulier, c'était dans une cave. À l'entrée, il y avait des sacs de sable pour nous protéger des grenades. Et après, quand il y avait beaucoup de bombardements, on n'y allait pas. Et donc ça, c'était dans le quartier. C'était ma dernière année à l'école primaire. Je me suis inscrit au lycée électrotechnique qui, lui, se trouvait à côté d'une base de l'ONU. Et donc, en allant à l'école, j'ai commencé à rencontrer des soldats français. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai commencé à apprendre le français, en allant à l'école et en passant à côté de ce bataillon. J'allais voir les soldats français pour leur parler. Beau Balistek, vous étiez traductrice et fixeuse pour les journalistes internationaux. Mm-hmm. Quotidiennement, comment vous viviez ? Moi, j'ai travaillé, donc j'étais sur le front, j'étais avec les armes, j'étais dans les tranchées, j'étais à la morgue, j'étais à l'hôpital, j'ai aidé si j'étais dans la rue. En voiture, j'ai aidé les gens de transporter les blessés à l'hôpital et tout. C'était ma journée. Donc, moi, j'étais vraiment dans la guerre. Mais ma mère, elle a fait la queue pour l'eau, elle a fait la queue pour la nourriture, elle a pas coupé les armes parce que on avait un tout petit peu d'argent. Donc, elle allait sur le marché avec l'argent, avec beaucoup d'argent pour acheter du bois qui coûtait, si je vous dis aujourd'hui, un paquet de bois coûtait 30 euros aujourd'hui, le prix de 30 euros aujourd'hui. Donc c'était énorme. On a dépensé de l'argent pour la fumée. En plus, ce bois était tellement humide que ça ne brûlait pas. Et puis du jour au lendemain, on était obligé de s'adapter à une vie complètement nouvelle. On avait un luxe. Avant la guerre, avec le chauffage central, avec de l'eau, avec les appartements qui étaient bien meublés, modernes, comme partout en Europe. Et puis, du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité ni de gaz, vous n'avez pas de nourriture. Donc, on était obligé de cueillir les plantes, de faire des plats avec les plantes, avec du riz qu'on a eu par l'aide humanitaire. Et puis, les gens s'adaptent vite. L'école n'était plus là, mais elle était à l'autre bout de la ville. Donc, pour y aller, on ne pouvait pas non plus y aller directement de mon quartier, mais il fallait faire un détour pour traverser un autre pont qui n'était pas exposé aux tirs de snipers. Et après, donc, je faisais un petit détour. Donc, c'est pour ça que la distance a été plus grande pour aller à cette école qui était quasiment près de l'aéroport, donc qui est vraiment à l'autre bout de Sarajevo. Voilà. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs périodes, c'est-à-dire des moments où les bombardements étaient vraiment très intenses et des périodes d'accalmie. Il y a eu des cessez-le-feu peut-être aussi. Oui, les cessez-le-feu, oui. Il y en avait plein, mais bon, les cessez-le-feu n'ont souvent pas été respectés. Donc, non, c'était au pif. Quand je partais ce matin, c'est d'après les coups de feu que peut-être que. Qu'on entendait le matin, on se disait que la journée va être bonne ou pas, que ça sera bien ou pas. Et puis bon, parfois, au retour de l'école, on s'arrêtait, quand il y a eu beaucoup de bombardements, on s'arrêtait dans les immeubles sur le chemin pour se cacher un peu. Et puis, on rentrait quand on pouvait. Voilà. Donc, ils se planquaient dans la ville, les Serbes, ils n'étaient pas encore partis. Et ils se mettaient dans des immeubles, ils se taisaient pendant 3 jours. Ils tiraient tout ce qu'ils pouvaient pendant quelques heures et disparaissaient. Voilà. Bon, et petit à petit, l'armée bosnienne les a liquidés. les uns, bon, finalement, on finit toujours par les prendre. Il y en a qui ont été jetés par la fenêtre, etc. Bon, donc ils ont peu à peu disparu de toute cette zone, mais ils restaient à Gorbavitcha. À Gorbavitcha, il y a des immeubles comme ça qui donnent, j'ai des photos, hein, je peux vous montrer des photos d'immeubles de 8, 10 étages où on pouvait tirer librement sur tout ce qui passait, quoi. Parce que là, c'était, vous voyez, tout ça, c'est bosnien, quoi. D'accord. Donc Et c'est pour ça qu'on appelle ça sniper à l'époque. Voilà. Dans la guerre, il y a des règles, donc il faut respecter ces règles. S'il y a un obus, il ne faut pas courir tout de suite ou il ne faut pas aller tout de suite parce qu'il y a toujours un deuxième et éventuellement un troisième. Donc les gens ont compris vite les règles de la guerre et puis voilà. Il y avait des obus partout, ils tombaient partout. Il y avait des snipers serbes, mais il y avait aussi des snipers de ce côté-là. Après un certain temps, vous pouvez savoir d'où ils tiraient pour se protéger mieux. Et par exemple, de Sniper Alley, l'avenue de snipers, sur les carrefours, il y avait des piles, des autobus, des voitures, il y avait des choses qui sortent de protection qui étaient mises pour que les gens puissent traverser en courant, mais pour qu'il ne soit pas vu par les snipers qui venaient, par exemple, de direction de Gorbavitcha, qui tiraient vraiment le plus. J'avais un sniper qui m'a passé par les cheveux, un demi-millimètre de ma tête. Donc voilà, c'est... J'avais de la chance. Toute la ville était sur la première ligne. L'hôtel Holiday Inn était sur le front, juste à côté de la rivière, en face du quartier Gorbavitcha, qui était sous le contrôle de l'armée serbe, et puis qui était vraiment le centre, si on peut dire, de pas le fief des forces, mais c'était un quartier serbe. Et pourquoi il a été choisi? Parce qu'en fait, ça a été le centre pour les journalistes étrangers pendant le siège. Vous savez comment ça s'est fait? Comment ils sont arrivés tous ici? Et ça s'est fait parce que quand tout est commencé, il y avait très peu de journalistes qui sont venus à Sarajevo. Il y avait pas mal de journalistes de France qui sont venus les premiers, comme Paul Marchand, Jeanne Hatzfeld et d'autres journalistes qui travaillent même aujourd'hui. Dès le mois de juin, je pense, mai-juin 92, ils sont donc tous les journalistes qui venaient en ville, toutes les équipes, CNN, BBC, les télévisions de France, les télévisions italiennes, espagnoles, donc tous, les agences, les journalistes de la presse écrite, ils sont tous venus à l'hôtel. Sarajevo était l'endroit où il fallait être. Hein. Donc tout le monde arrivait pour 3 jours, pour 8 jours. Ils arrivaient en voiture blindée de l'aéroport ou un avion de l'ONU les avait transportés. Et puis paf, ils étaient 4 jours et après ils en avaient pour 15 jours à faire des articles. Et puis il y a d'autres gens, ils sont beaucoup d'anglo-saxons, quelques français, ont beaucoup plus vécu dans la guerre, quoi. L'autre jour, on en parlait avec Rémi Ourdan, et lui, il estimait à 35 personnes, à peu près, ceux qui s'étaient vraiment investis dans cette guerre. Ce qui n'est pas beaucoup par rapport aux centaines de personnes qui sont passées. Mais oui, alors ça, c'est aussi lié... D'abord, c'est lié au fait que on avait une relation assez facile avec les gens. Et puis, il y avait cette idée qu'on circulait. Ça, c'est quelque chose de magique dans une guerre, quoi. Parce que c'est vrai, quand vous êtes dans une guerre et que vous êtes toujours au bon soin, par exemple, de l'armée américaine, ou au bon soin, ou enfermé dans un quartier de Beyrouth et pas pouvoir passer de l'est à l'ouest, ou comme ça s'est passé très souvent, c'est pas pareil que être... dans cette Sarajevo, par exemple, où on habite, bon, moi j'ai habité souvent dans une chambre de bonne, etc., et prendre sa voiture, on avait toujours une voiture, paf, paf, paf, et on dit aujourd'hui on va voir les nationalistes de Palais, on va rencontrer Karadzic, et puis on va monter ceci, puis on vous dit d'aller là, et oui, c'est en partie pour ça qu'on s'est pris de passion pour cette guerre, c'est d'avoir pu avoir accès à tout. C'était un risque des périls, mais on avait accès à tout. On pouvait Voilà, on pouvait aller chez les uns, on pouvait aller chez les autres, on pouvait, ça nous est arrivé, je ne vous cache pas, moi, d'aller prendre une douche à palais chez les nationalistes serbes, parce qu'il y avait de l'eau chaude là-bas. Et puis, parce qu'on pouvait y aller, enfin, on allait... Oui, parce que c'est à quelques kilomètres de Sarajevo. C'est à 20 kilomètres. Où on faisait, alors plus décemment, on faisait de l'approvisionnement, parce que l'essence était du côté serbe. Donc on allait avec des jerrycans, on allait s'approvisionner en fromage, en viande séchée, en essence. Donc on ramenait ça, et qu'on ramenait dans le cœur de la ville, qu'on distribue à des gens, etc. Il y en a qui ont fait un truc formidable de ce côté-là, des journalistes. Voilà. Donc mais on pouvait, on vous disait, il se passe quelque chose à tel endroit, on y allait. L'attention médiatique, la présence des journalistes occidentaux, de certains intellectuels, c'était important pour vous ? C'était très important, oui. Ils étaient conscients que leur travail n'aboutit pas, que le travail ne fait pas grand chose, mais mis à part tout ça, ils ont continué d'être avec nous jusqu'à la fin et même après la guerre. Et puis, je me demande qu'est-ce que se passerait s'ils n'étaient pas là, s'ils ne sont pas venus en Bosnie, s'ils n'étaient pas à cet hôtel. J'imagine que sans les journalistes dans cet hôtel, l'hôtel sera détruit, c'est sûr. Donc, ils étaient quand même une force importante. Ils étaient un appui important. Ils étaient aussi une force morale pour les gens de Sarajevo. Ils étaient surtout une force pour nous, les gens qui ont travaillé avec eux, parce qu'on se sentait beaucoup plus sûrs avec eux. Et on se parlait entre nous, on se disait un jour s'ils se cassent, on est foutus. Donc pour nous, leur présence était très importante, même si c'était pas à la fin... C'est pas eux qui ont fait la pression, même s'ils ont fait beaucoup de pression. C'est pas eux qui ont fait la pression sur les chefs politiques de faire quelque chose pour la Bosnie. Mais sans eux, je pense qu'on serait tous morts. Et est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez cru effectivement que la guerre allait se terminer ? Parce qu'il y a eu pas mal de rencontres, en tout cas... Je crois qu'il y a Mitterrand qui est venu aussi. Évidemment, mm-hmm. C'est pas lui qui aurait arrêté la guerre, mais en tout cas, il y a eu énormément de rencontres, de sommets de l'Union européenne, ensuite effectivement les Américains. Mais vous avez cru à chaque fois que ça allait pouvoir se terminer ? Oui, non. Au début, vous croyez qu'il y a des conférences à Genève, à Lisbonne, partout dans le monde, ils voyagent, ils font la navette tout le temps, pendant que les gens sont tués. Et puis, vous venez à une situation où vous vous dites, après je sais pas combien de mois, combien d'années, oh, écoute, c'est fatigant, ça change rien. Chaque jour, je pense, voilà, c'était la journée la pire. Et la journée suivante était encore la pire. Donc, au bout d'un moment, vous vous dites, il faut s'arrêter avec ces pensées parce que tu deviens fou. C'est pas possible d'espérer quelque chose dans des conditions impossibles, dans des conditions horribles. Et puis au bout d'un moment, je pense que, en tout cas, c'était le cas chez moi, je voulais plus penser ni à la fin de la guerre, ni à l'aide, ni à rien. Donc je vais de jour à jour, j'essaie de préserver mon corps et mon cerveau, ma tête, comme on dit. Et c'était tout. Donc il y a ces hivers qui sont quand même très froids, où il n'y a plus rien. Hein. Si vous voulez, il y a eu une période où il y a eu beaucoup de journalistes, donc il y a eu ce fameux Holiday Inn, etc. Mais il y a eu une période avant et après où il y avait très peu de journalistes, on était très peu. Et là, voilà, moi j'avais ma chambre de bonne dans la vieille ville, on n'a pas d'électricité, pas d'eau, pas de ça, et tout est dangereux. Enfin, sortir, c'est dangereux. Aller chercher de l'eau, c'est dangereux. Et donc là, on est en plein dans le cœur de la guerre parce que toute la vie est changée. Il n'y a plus d'usine, il n'y a plus d'école. Des gens continuent à vouloir mener quand même une vie quotidienne. Hein. Donc, les femmes continuent à se maquiller. Il y a des gens qui continuent à aller à l'université. Il y a d'autres qui... Ouais, les gens essaient de maintenir au maximum cette activité qui préserve la dignité, quoi, mais avec ce qu'ils peuvent, quand même. Donc ça, c'est quand même des moments de... Enfin, où il y a moins d'actes à raconter, mais qui m'ont beaucoup, oui, beaucoup touché, quoi, qui beaucoup... Ça, c'est... Donc là, c'est à un moment donné, on n'attend plus rien, en fait. 61 morts et 140 blessés, c'est le tout dernier bilan, malheureusement toujours provisoire, consécutif à la chute d'un obus de très fort calibre ce matin sur le marché central de Sarajevo. Le tir a eu lieu à l'heure de la plus grande affluence, non loin de la cathédrale, en plein cœur de la capitale bosniaque martyre. L'hôpital Kosevo est débordé et manque de place pour accueillir les victimes. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la France condamne vigoureusement ce nouveau massacre et exprime, je cite, son horreur et son indignation devant cet acte odieux. On va passer devant l'impact de l'obus qui est marqué par de la résine rouge, c'est ce qu'on appelle les roses de Sarajevo, qui marque en fait les impacts d'obus un petit peu partout dans le centre-ville en tout cas. Et puis il y a la plaque en fait de commémorative pour l'obus qui est tombé ici. Et on arrive devant la Gradska Piazza, Gradska Tržnica, qui est le marché couvert, qui est un des deux marchés, en fait. Vous voyez le... C'est ça, là. Ouais. Qui est un des deux... Oui, c'est ça. C'est ça, l'impact d'obus. Gradska Tržnica, Markale, qui est un des deux marchés, en fait, de Markale. Et puis derrière, le marché de Markale, où il y a les légumes, etc. Donc les deux marchés ont été... bombardé en 95, le marché de ouvert en fait qui était dehors en février 95, qui était le plus gros massacre, je pense dans Sarajevo, puisqu'il y a eu 77 morts en février 95 et quelques dizaines de blessés. Et puis le deuxième obus qui est tombé en août 95, qui a fait une quarantaine de morts et qui est vraiment présenté dans l'ordre historique des choses, c'est comme ça, c'était vraiment l'obus de trop qui a provoqué en fait enfin après 4 ans la réaction de l'OTAN pour desserrer l'étau en fait autour de Sarajevo et faire reculer l'artillerie serbe. L'endroit où est tombé l'obus de mortier qui a fait une trentaine de morts et 74 blessés est normalement plutôt préservé. La rue est étroite, les immeubles qui l'abordent sont hauts et protègent des tirs directs, snipers ou même artillerie. Mais un mortier tire des obus qui ont une trajectoire en cloche montant à près de 4000 mètres d'altitude avant de redescendre à la verticale. Ils peuvent donc atterrir absolument n'importe où. Quand il explose, l'obus projette alentour une multitude d'éclats, des morceaux de métal très lourds, brûlants et dont les arêtes sont particulièrement aiguës. Ces éclats partent en tourbillonnant, détruisant tout sur leur passage et allant jusqu'à creuser de véritables plaies dans l'asphalte d'une rue. Qui plus est, la plupart du temps, ces projectiles ne sifflent pas quand ils tombent, impossible ne serait-ce que de se jeter à terre pour se prémunir des éclats. Hier soir, la télévision des Serbes de Bosnie annonçait que les forces serbes ne pouvaient être tenues pour responsables du massacre à partir du moment où elles ne possédaient pas d'armes de ce calibre. Fin de citation. La majeure partie des obus qui sont tombés sur Sarajevo depuis le tout début de la guerre ont été tirés par des mortiers de 120 ou de 82 mm. Celui d'hier était un obus de 120, classique, pourrait-on dire. Début de la fin de la guerre, c'est l'intervention suite au massacre de Markale 2, comme on l'a appelé. C'est un processus qui se met en place à partir de l'élection de Jacques Chirac à la présidence française. Parce qu'il arrive un moment où il veut changer la politique, qui a été celle de Mitterrand en ex-Yougoslavie, et il arrive un moment où il y a des casques bleus en otage. Et Chirac décide de taper du poing sur la table envers les Serbes, et de créer une force militaire en appui de la force de l'ONU, une force qui va avoir le droit de tirer des coups de feu et de se battre. Donc ça change. Parallèlement, L'ambiance change à Washington, c'est-à-dire qu'on a bien compris que Clinton ne voulait intervenir nulle part depuis l'histoire de Mogadiscio. Et là, sous la pression de l'équipe de Madeleine Albright, notamment au département d'État, Clinton est en train petit à petit de changer d'avis. Et donc, quand arrive Srebrenica en juillet, la conjonction de ces deux phénomènes, plus l'horreur de la tuerie, on va dire la tragédie, font que Clinton et Chirac décident de réagir. Alors tout ça se met en place petit à petit. Un plan d'intervention de l'OTAN par les airs, la force de réaction rapide voulue par Chirac au sol, notamment sur le mont Ingman au-dessus de Sarajevo. Bon, et quand intervient la deuxième attaque du marché de Marcalé à Sarajevo, mais je pense que c'est une tragédie, mais c'est presque un prétexte à ce stade-là. C'est-à-dire que je pense que la décision d'intervenir un jour et de mettre fin à cette guerre a été prise, en tout cas chez les Américains, les Anglais et les Français. Voilà, donc il y a une intervention aérienne qui arrête la guerre en une nuit. Ensuite, le cessez-le-feu est décrété quelques semaines plus tard, et puis Dayton a lieu encore quelques semaines plus tard, et puis les négociations... dure un peu, et puis ensuite l'accord de paix est signé à Paris le 14 décembre 1995. Donc vous voyez, entre l'attaque de Marcalé fin août et la signature de l'accord de paix mi-décembre, il y a eu 3 mois et demi. Mais en ce qui concerne les gens sur le terrain, la guerre s'est arrêtée en une nuit début septembre. Vous étiez donc très jeune, mais est-ce que vous avez... développer cependant un regard critique ou en tout cas un sentiment vis-à-vis de la communauté internationale. Vous nous dites donc que vous passiez à côté des casques bleus français, mais est-ce que vous en attendiez beaucoup? Est-ce que vous étiez déjà désabusé? Comment vous avez vu à l'époque cette action-là? Non, je pense que c'était pas une opinion critique, c'était surtout l'espoir, je pense. Pour moi, c'était différent parce que plus je fréquentais des soldats, plus je me suis fait beaucoup d'amis parmi les soldats. Donc eux, ils me donnaient à manger, je rapportais à manger chez moi, je donnais aux voisins, j'allais faire du sport avec eux. Donc pour moi, la communauté internationale, c'était eux, et c'était une rencontre qui était plutôt amicale. Je pense que notre relation était plutôt existentielle parce que je voulais nourrir ma famille. Mais je me suis dit, voilà, j'apprends une langue étrangère et c'est quelque chose de très bien. Et je me souviens, en fait, ma mère souvent me dit, elle se souvient souvent de ce moment à la fin de la guerre, quand on a compris que l'accord de paix a été signé. Pour moi, tout allait bien et je ne voyais pas du tout la fin du conflit. Et elle me dit que je lui ai dit un jour que j'étais un peu triste que la guerre se termine parce que tout le monde va partir et je n'aurai plus de copains français. Parce que je me suis construit un monde à moi et je me suis habitué. Et pour moi, c'était, je ne pensais pas à la mort parce que je pense que c'est pas bien de penser à la mort tous les jours. Et pour moi, un monde disparaissait et j'étais pas content. La situation après la guerre était beaucoup plus difficile que pendant la guerre. La guerre, pour moi, par rapport à la post-guerre, était entre guillemets un paradis. Parce qu'après la guerre, tout est tombé sur ma tête. Pour moi, tout. Donc tout ce que j'avais, tout ce que j'avais pas, tout ce que j'avais vécu, tout ce que je n'avais pas vécu, d'un coup, et c'était un peu trop. Donc oui, c'était dur de voir cette ville qui était tellement positive, tellement belle, tellement large dans tous les sens. Mais même pendant la guerre, cette pauvre ville de Sarajevo était tellement large, était tellement généreuse, était tellement... Donc si vous voyez, l'essence de la ville n'a jamais changé. Juste le décor a changé avec soit les Jeux Olympiques, soit la guerre. Mais l'essence de la ville, comme on dit, le cinquième élément, ou comme on dit, l'âme de la ville, reste intacte. Elle est toujours là, elle était là pendant la guerre, elle était là pendant les Jeux Olympiques. Elle est là même aujourd'hui, quand la ville est complètement changée. Et je pense qu'aujourd'hui, Sarajevo traverse une période difficile, où la ville a perdu un peu son identité, et où cette ville essaie de se retrouver, mais ça ne sera pas la même Sarajevo. Contrairement à ce qu'on a pu, on aurait pu imaginer, les accords de Dayton suscitent une très grande déception de tous les côtés, serbes et bosniens, et une forme de désespoir, un sentiment de défaite partagé par tout le monde, notamment très fortement par les Bosniens. C'est-à-dire qu'ils savaient, ils étaient contents de ne plus recevoir d'obus sur la tête, que les enfants puissent de nouveau jouer dehors, on parlait de réouverture des écoles, que les magasins allaient se remplir, parce que quand même ils n'avaient pas beaucoup mangé pendant toute cette guerre. Et puis c'est vrai qu'ils allaient mettre de la musique, l'électricité allait revenir, ils allaient se chauffer, c'était à l'entrée de l'hiver, deux hivers avaient été terribles, ça. Donc il y avait quand même cela, mais il y avait un sentiment de défaite, un sentiment d'injustice qui était inouï, que nous, on a mis quand même bien trois quarts d'heure à comprendre, parce qu'au début, quand on vous dit les accords de Dayton, on dit comme ça, on dit vous êtes condamné, pas du tout. Donc pour dire qu'ils avaient pressenti ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas les vainqueurs de cette guerre, qu'ils étaient perdants, qu'ils allaient perdre beaucoup. Ils n'avaient pas seulement perdu ce qui était lors du dommage de la guerre, c'est-à-dire un frère tué, une maison détruite, une jambe coupée, ou du temps perdu, hein, parce que vous savez, quand vous avez 15 ans et puis que vous vous retrouvez à 20 ans sans avoir rien fait d'autre, que, enfin, c'est presque... Donc c'est la vraie tristesse, pas la vraie, mais une autre tristesse arrive quand on mesure, on réalise ce qu'on a vraiment perdu. C'était le siège de Sarajevo, avec Rusmir Smajljodic, Boba Lizdek, Rémi Ourdan, Jean Asfeld et Aline Kateux. Traduction Aline Kateux, prise de son Frédéric Kérou, Claire Levasseur et Christophe Papon. Mixage Jean-Louis Deloncle. Merci à Oscar Le Polothèque, Alexandra Kobylski, Lamia Rusdic-Barbier de l'Association des anciens étudiants des universités croates et Gauthier Morax. Merci à Denis Forget de l'INA et à Laïla Fernbach de la documentation d'actualité de Radio France. Coordination Marie-Yvonne Abolivier et Perrine Kervran. Un documentaire de Christelle Polothèque réalisé par Soumanina. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Sarajevo, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vona Bolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs, et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, un tribunal en temps de guerre. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une ville expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.